فرحوا بالعمل وخصلة الرجال، فرحوا بالعمال وخصلة الرجال، صبحوا معاهم الحال ولاد العربية. لا مير دو غاي شيخ الريميتي والخصاصبة عبد الملك ولد العبادي والشيخ المحفوظ المغناوي. عطر الشيخ الأخضر الوجدي يحيى الهند القديم. تشك تشك تشك. Tout le monde entend, ouais, c'est bon. Oui. Okay. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu pour parler ce soir de l'occupation du magasin. Oui, et du musée du Rouvre. Ouais. Donc il y a un événement qui s'est produit samedi dernier, auquel nous avons assisté. Donc on va faire une sorte de petite rétrospective de ce qui se passe au magasin depuis un certain nombre d'années, deux ans. Alors je suis pas un expert du sujet, donc je parle sous votre contrôle ou le contrôle de la presse ou de celui tout en haut. Pardon, je suis pas bon, bref. Pardon. Donc je reprends en fait des informations de l'article du petit bulletin qui est sorti... Du postillon. Pardon. Du postillon. Merci. Hein, du postillon qui est sorti ce mois-ci. Sachant que c'est pas un mensuel, mais bon, le plus récent, quoi. Je voudrais rappeler que... Voilà, merci. Le magasin, on parle du centre d'art contemporain ouais. Situé dans le quartier Berrières-Saint-Bruno à Grenoble. Voilà, le Centre National d'Art Contemporain. Qui a 35 ans d'existence. Ex-magasin des Horizons et maintenant qui est devenu le Rouvre. Voilà. Superette. Donc il y a eu un directeur qui est resté assez longtemps directeur, donc Ivo Petitalo, qui a quitté le magasin il y a deux ans, je crois, un truc comme ça, suite à une grève des salariés qui le considéraient comme un despote. Par la suite, c'est Béatrice Josse qui a pris la direction, qui était au FRAC Champagne-Ardennes, il me semble, voilà, et qui, depuis, donc, qui a essayé d'avoir un programme, on va dire, différent, de ne plus faire d'exposition, en fait, telle que Ivo Petitalo les faisait, d'incorporer, on va dire, des thématiques plus sociales, anticoloniale, féministe. Un peu plus militante. Plus militante, oui. Plus engagée. Et qui essaie de faire participer les habitants, un peu plus les acteurs locaux, j'ai l'impression. Et en fait, depuis 16 mois, Béatrice Josse est donc en arrêt maladie. Et donc je pense depuis un peu plus longtemps, le magasin est fermé. Donc elle est en arrêt maladie parce qu'il y a eu des bisbilles, des désaccords donc d'une part entre le conseil d'administration et Béatrice Josse et d'autre part entre les employés du magasin Ancienne Formule, je crois, et elle, voilà, parce qu'elle a amené en fait son équipe aussi avec elle en fait. Donc il y a plusieurs l'article du postillon, il y a plusieurs parties, il y a deux parties en fait, une partie qui est pour, on va dire, Béatrice Josse, enfin en tout cas qui montre un peu les difficultés qu'elle a eues à mener à bien son projet par rapport au conseil d'administration. Et puis la seconde partie qui est plutôt à sa charge en fait, de Béatrice Josse, Donc avec des anecdotes assez crues. Par exemple, il y avait l'école du magasin, qui était une école pour former des commissaires, en fait, qui a été renommée Atelier des Horizons. Donc elle aurait, elle a embauché en fait une tutrice, Peggy Pierrot. Et donc il y a un propos qui est rapporté, qu'elle aurait dit j'ai embauché une tutrice, elle est noire, elle est lesbienne, est-ce qu'on peut faire mieux? Voilà, donc ça donne le ton. Ensuite, il y a justement Peggy Pierrot qui, elle, a quitté au bout d'un an et demi l'atelier des Horizons. Voilà, et qui, donc, apparemment, elle a été contactée par le postillon et elle donne une réponse assez imagée, assez poétique. Donc, elle dit: par pitié, laissez-moi fermenter tranquillement dans mon fût d'abbaye. Quelle idée de me tirer à nouveau vers les entendues boueuses du marigot grenoblois. Déjà houleuse était la marée quand je me suis moi-même débarqué, comme d'autres, de ce paquebot démesuré. Aujourd'hui rentré au port à la rame, je n'ai rien à dire sur les raisons qui, je l'imagine, ont amené l'équipe actuelle à ficher la proue avant de se naufrager à la dérive dans un iceberg. Donc voilà une déliquescence un peu générale. Il y a même des gens qui faisaient partie de l'atelier des Horizons qui ont quitté l'atelier des Horizons. Voilà. Bon, on va pas. Cette image du paquebot en dérive est assez juste, hein, finalement, parce que c'est ça qui est important de rappeler, c'est que quand même la fermeture du magasin, elle est bien antérieure à toute la crise Covid. Oui. Il y avait la dernière exposition en date de Béatrice Joss qui n'a jamais été ouverte. Donc c'était au moment du second confinement, mais les soucis sont bien antérieurs. Et on est habitant face à des portes fermées d'un espace culturel depuis bien longtemps. C'est ce que cet événement de l'occupation et de samedi dernier a voulu remettre en question, c'est-à-dire d'ouvrir symboliquement ses portes, d'y laisser rentrer... Pas seulement symboliquement. Pas seulement symboliquement, ouais. Ouais. Mais avec une très forte charge symbolique pour le coup. Et d'y laisser rentrer les personnes qui étaient présentes à ce moment-là. Donc cette ouverture, elle s'est faite à un moment... à la fin d'une vélorution qui s'est tenue samedi sur la question d'habiter la ville et qui mettait en lien des lieux donc qui sont le Dispel, l'actuel squat des Volets Verts et le chantier à Fontaine, qui sont des lieux menacés d'expulsion. Et donc, en je marge... Peux, juste une vélorution, c'est une manifestation à vélo. Oui, c'est vrai qu'à Grenoble, on a l'habitude, mais... donc en marge vraiment de cette manifestation et à cet événement qui s'est opéré par surprise, et donc l'ouverture de ces portes qui a été faite à cet endroit-là. Et est-ce qu'on peut revenir alors un peu sur les événements, enfin comment ça s'est produit une fois que qu'est-ce qui s'est produit une fois que les portes étaient ouvertes? Enfin déjà il y avait des flics en place qui eux suivaient finalement la manifestation. Donc il y avait déjà des forces de police en place. Il y avait la force de police qui suivait la manifestation en nombre assez réduit. Ouais. À la fin de la manifestation, ils se sont fait de plus en plus présents parce que je pense ils étaient là pour cadrer l'événement qui se finissait afin d'éviter que les gens continuent à se regrouper à la fin de la manifestation. Au moment de l'ouverture des portes, tout le monde a saisi l'opportunité de rentrer dans le bâtiment. Tout de suite après, immédiatement, la police a eu vent de l'ouverture du magasin et s'est directement introduit au sein du magasin. En passant par les murs. Pas tout à fait. Ils sont passés par l'allée centrale, deux, et deux personnes sont passées par l'allée centrale et sont allées au fond du magasin, se sont dirigées vers les issues de sortie pour pouvoir les ouvrir et les faire rentrer. Du coup, une horde de policiers qui s'est tout de suite postée à l'intérieur du magasin avec les boucliers prêts à intervenir. Ils attendaient juste les ordres du préfet. Ouais. Donc tout au fond, devant l'auditorium, tout au fond de la rue. Exactement. Voilà. Du coup, dans le déroulé, il s'en est suivi un contact tout de suite des personnes qui ont contacté l'élu de secteur, mais il y a également aussi d'autres personnes à la mairie de Grenoble concernant l'ouverture, pour leur informer qu'il y avait l'ouverture du bâtiment. Ce à quoi l'élu du secteur a commencé à dire que ça ne dérangeait pas. Puis après, la police faisant de plus en plus menaçant, on a décidé de prendre la décision de faire venir une délégation de la mairie pour rappeler ce qu'elle nous a dit oralement, mais à la police qui voulait rien entendre. Pour neutraliser la police, quoi, en fait. C'est toujours cette guerre, pas une guerre, mais disons une communication entre la mairie et... Enfin, il y a les prérogatives de la mairie et celles de la préfecture. Et, exactement. Et ils attendaient juste l'ordre de virer tout le monde. Quoi. Oui, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ils ne savaient pas qui était à la direction de ce truc-là, qui contactait. Ouais. Ils ont dû prendre contact avec la mairie s'est rendue sur place. Une délégation de la mairie s'est rendue sur place, on a très vite discuté avec eux, expliqué la situation, qui on était. Ils ont aussi été ouverts à ce qu'on dorme le soir même dans le bâtiment et qu'on reste un peu plus. Ce à quoi la police n'a, même malgré l'autorité d'une élue à la culture, n'a rien voulu entendre et a empêché qu'on ait accès au bâtiment, nous a repoussé dehors et a empêché qu'on réinvestisse les lieux malgré l'autorisation d'une élue de secteur et du coup et l'aval de la mairie de Grenoble. Ça, c'est ce qui s'est passé à 19h, c'est ça? Parce que moi, je suis resté jusqu'à 19h. Mais en fait, la police a vidé petit à petit le lieu, malgré... mais là, il n'y avait pas encore les élus, physiquement. Les élus, ils ont mis un peu de temps à se rendre sur place. Bon, on était samedi soir, en pleine vacances scolaires. Préparer la bamboche. Il y a eu aussi un dialogue qui a été assez rapidement entamé avec les actuels occupants du magasin, qui sont le CA, le conseil d'administration, puisqu'il s'y passe plus rien en fait. Donc il n'y a plus que le conseil d'administration qui est aux commandes et deux membres de son conseil, puisque dont le trésorier, dont le trésorier Maniac. Exactement, qui est sur place, et la présidente qui elle est à Paris et qui ne s'opposait pas à l'occupation du bâtiment, puisque c'est elle qui a donné son autorisation pour 20 personnes à dormir le soir même dans le bâtiment. Et ça s'est pas fait parce que c'était trop... Alors pourquoi c'est pas fait? Parce qu'il y avait le couvre-feu, c'est ça? C'est le refus de la préfecture, le cadre du confinement, du couvre-feu, les décrets de l'état d'urgence sanitaire, et aussi le préfet a argué qu'il n'autoriserait pas une seconde occupation d'un lieu culturel, puisqu'à Grenoble, il y a déjà la MC2 qui est occupée. Et eux, ils peuvent y rester la nuit. Ils sont autorisés à y rester à 6 personnes. Ok, donc pour finir le samedi, on est quoi 19h30, 20h, 19h30 à peu près, et le magasin se referme. Ah ouais, après un élan de joie quand même, parce que c'était un événement qui était très joyeux pour toutes les personnes qui étaient présentes. On a ressenti collectivement un grand enthousiasme à cette ouverture. Et jusque dans les derniers instants, avec l'accord de la présidente et des élus, et ce refus par contre de la préfecture qui a mis un stop à toute possibilité de négocier le soir même. Mais donc avec quand même l'espoir du lendemain. L'espoir du lendemain, oui. Donc, il y a un appel à rassemblement à 8h le lendemain avec la présence des élus pour entamer les négociations. Ok, on va faire une petite pause. Voilà. I had none. I fought the law and En vertu de l'état d'urgence sanitaire, du coup ça c'était samedi soir, au moment de l'ouverture du centre. Ouais. Juste après l'ouverture. Vous devez rentrer chez vous. Attendez la police. Ça c'est à 19h30, enfin 19h passé. Alors que les élus sont sur place. Salon, procéder à des verbalisations. Est-ce qu'il y en a eu alors? Des verbalisations? Non. Vous pouvez pas faire ça, c'est hypocrite. On attend les négociations. Vous avez dit que messieurs, dames. Ok. Ouais, j'aurais pu enchaîner, non, je sais pas sur rouverture, mais bon. Ouais. On peut mettre bas. Ouais. On peut mettre. Pas avec beaucoup de volume. Ouais. Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup. Bon, on va laisser ça en fond. Il y a quelque chose qui devait être ajouté. Je crois. Tu voulais ajouter? Oui, je voulais revenir sur un peu l'explication des raisons qui ont poussé aux gens un peu à ouvrir ce magasin. C'est ce qu'on remarque dans cette situation de ce lieu-là, comme le magasin des Horizons, enfin ex-magasin des Horizons, c'est que on se retrouve avec une directrice tout d'abord qui arrive en poste et qui essaye de faire bouger les lignes, qui essaye de faire impulser un nouvel élan. Plus politique, plus engagé, avec pas mal de choses qui essayent de déconstruire un peu des normes de la société, essayer de questionner sur des choses qui appuient là où ça fait mal, les choses qu'on veut pas voir. Ça concerne le colonialisme, le racisme, les questions féminismes. Mais qui se fait critiquer. Et cependant, même dans le milieu de l'art, qu'on pourrait dire ouvert, accessible à tous, avec des gens bien pensants, gauchistes, on remarque à travers cet exemple-là que dès qu'on veut impulser des choses qui dérangent, bah même dans ce milieu-là de l'art, on fait face à des écueils, à des barrières, et c'est très difficile. Et on remarque que toutes les personnes qui sont à la tête et au pouvoir de ces structures-là, même dans les milieux de l'art, ces personnes qui sont réac. Ouais. Et après, il y a l'autre versant dans l'article. Du coup, le deuxième questionnement que ça pose aussi. Ouais. De cet article-là, c'est que même cette même directrice-là, qui veut changer les normes, apporter un nouvel élan à ce centre d'art contemporain, qui est plutôt louable de faire ça. Cependant, cette personne-là reproduit des choses hyper autoritaires avec ses mêmes employés. Ouais. Pourtant, dans la façade, elle veut développer le care, c'est-à-dire quelque chose de la bienveillance, du soin dans le milieu du travail, et pourtant elle pousse des salariés à se mettre en arrêt maladie, elle amène des anciens collaborateurs et collaboratrices avec elle en burn-out, en dépression. Cette personne-là se conduit de manière hyper autoritaire, elle a fait du mal à ses salariés. Même les gens qu'elle a emmenés, enfin, est-ce qu'il y a eu un... Bon, je sais pas. Peut-être qu'on rentre dans ces détails-là qu'on n'a peut-être pas... En tout cas, tout ça c'est le passé, enfin on le considère comme le passé, on aimerait que ça reste de l'ordre du passé aussi, puisque le collectif des Amis du Rouvre, il remet vraiment en question ces histoires de gouvernance au sein des institutions culturelles. Là on a un exemple, un peu un cas d'école quoi, avec une direction qui a été laissée à l'abandon, 6 mois de burn-out et un départ un peu... Un an et demi d'arrêt maladie. Ouais. Un départ un peu en catimini de la directrice, la nomination d'un directeur par intérim qui est parachuté des pompes funèbres. Ouais, c'est ça. Très déconnecté des milieux de l'art et des milieux... et des milieux culturels, un conseil d'administration, avec une présidente qui est à Paris, qui est dans des sphères plutôt élitistes aussi. On parle même pas du rapport aux collectionneurs, par exemple, à tout le marché de l'art. Mais en tout cas, c'est un endroit qui a bien accueilli la rouverture, ouais. la rouverture, il y a quelque chose qui se questionne sur qu'est-ce qu'on fait de ces endroits-là, comment on les gouverne, et le projet du collectif des Amis du Rouvre, donc c'est de fonctionner plutôt sous la forme de l'autogestion par les artistes et les habitants et les militants eux-mêmes, et de faire que ces espaces-là ils soient beaucoup plus poreux avec la vie qui s'y passe autour, en fait. Et ça nous amène aux négociations du dimanche matin. Ouais, aux négociations du dimanche matin, très longues et pénibles pour la plupart des personnes qui étaient présentes. Ouais. Moi, j'ai eu un petit débrief à 11h, je crois que c'était ça. Où donc le nœud du problème, c'était que ce qui était donc le conseil, enfin la ville avait mis dans les négociations le Jérôme Magnac, c'est ça, le trésorier, ouais. du CA, enfin de l'association. Le trésorier de l'association. Voilà. Et donc les termes du contrat qui pouvait être passé entre le collectif des Amis du Rouvre et le magasin, c'était donc sur la base d'une résidence d'artiste. Exactement, ouais. Voilà. Avec la présence de cette personne qui reste un peu forcée. Le gardien. Ouais, le gardien. Gardien du temple. Gardien du temple, délégué aussi par la présidente pour s'assurer du maintien, du vivotage de cet espace-là. Et donc des résidences non payées, bien sûr. Ouais, des résidences non payées, ce qui était assez surprenant quand on a mis ça sur la table avec la présidente lundi, c'est que ça ne l'étonnait absolument pas que les artistes soient non payés, non rémunérés dans le cadre de résidences. Ce qui nous a quand même paru, encore une fois, être une bonne déconnexion avec la réalité. Sachant que les artistes, leur statut est très peu reconnu, il y a des difficultés quand même d'ordre au sein du travail. Ouais. Les artistes avoir un statut particulier dans le monde du travail. Ouais. Une place particulière dans le monde du travail, d'être reconnu, d'être syndiqué, c'est des choses qui n'existent absolument pas pour les artistes. Ce qui fait que les artistes ont été aussi... vu qu'ils... Ils ne peuvent pas être soutenus par les programmes de soutien pendant le Covid parce qu'ils seront totalement hors des radars. Quoi. Hors des radars, c'est le cas. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'autres acteurs culturels, peut-être que les gens du spectacle vivant. Ouais, l'intermittent, voilà, par exemple, c'est beaucoup l'intermittence, mieux organisé, voilà, par exemple. Pour se défendre, par exemple. Enfin, c'est aussi là une des différences, sans vouloir stigmatiser personne, mais c'est une des différences avec la MC2, qui est l'autre endroit qui est occupé à Grenoble. Voilà. Qui fait plutôt partie de ce réseau d'endroits occupés. Il y a finalement assez peu de lieux d'art contemporain qui sont occupés en France. Un frac ou deux, je crois. Et donc le magasin. Voilà. Je tenais à le signaler. Non, mais ce qui fait que la situation non, mais est voilà, encore c'est... plus... Et puis ce qui fait que les négociations sont encore plus... Après, voilà. Et difficile. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, la préfecture refuse que deux lieux soient occupés dans cette même ville. Ouais. On est aussi face à des occupations... alors, j'ai pas en tête les dates des premières occupations des lieux culturels. Mais bon, on a passé un mois d'occupation, largement, dans ces lieux-là, qui sont des occupations un petit peu à demi-mot aussi, qui sont souvent en accord avec les directions, où il y a par exemple des services de sécurité qui sont présents sur les lieux. Voilà, il y avait dans le geste initial de l'ouverture du magasin, il y avait aussi un refus de passer par la voie de ces occupations-là qu'elles ont prises. Il y avait une volonté de... Un refus de quelle partie ? Des deux parties, non ? Déjà, il n'y a pas de direction avec qui négocier, puisque la négociation, elle se fait avec le propriétaire du bâtiment, c'est-à-dire la mairie de Grenoble, et ses occupants actuels, le peu qu'il en reste, le conseil d'administration. Très bien, et donc le dimanche, je reprends le fil, dimanche les négociations n'avancent pas, enfin il y a ce point de blocage, c'est ça, entre d'un côté un projet d'autogestion et de l'autre plutôt une convention de résidence d'artistes qui est totalement incompatible, c'est ça. Enfin, voilà. Donc, lundi... On a eu de nouveau rendez-vous avec l'élu à la culture et en présence aussi par téléphone retransmis sur les en haut-parleur sur toute l'esplanade la présidente du CA. D'accord. Les négociations ont un peu abouti à une rédaction d'une convention auquel on essaye de s'attarder en ce moment, ouais, pour pouvoir les transmettre du coup à la mairie et à la présidente du CA afin de occuper l'intérieur du bâtiment. Et le projet artistique, ça peut pas être l'occupation du coup, est-ce que ça... Non mais bon, dans le cadre de la convention, c'est complètement ça. Le projet artistique, c'est, ouais, l'occupation et les questions de gouvernance. C'est une grosse part du projet, ouais, artistique. Ouais. Comment on peut occuper ces lieux-là, je l'ai dit tout à l'heure, de façon, ouais, plus poreuse avec les acteurs qui sont autour de nous. Et pas forcément à l'échelle du quartier, hein, c'est à l'échelle aussi nationale que ça se réfléchit. Ouais, ces lieux-là, ils ont aussi une vocation de rayonnement pour les artistes. Dans l'idée, j'avais c'est pas compris non plus que c'était de... justement plutôt restreint à Grenoble, mais apparemment... Non, il y a une volonté, d'accord, aussi de pouvoir ouvrir ça, et ouais, c'est le cadre de la convention qui est actuellement en écriture, c'est-à-dire qu'on est un peu contraint, pour occuper ce bâtiment, de rédiger cette convention de résidence artistique, donc qui a pris un terme assez drôle, qui est une convention de résidence, d'expérimentation, d'autogestion d'un lieu artistique, ouais, autrement dit un créala, donc qui est actuellement rédigé par les membres du collectif, et qui pose des questions de gouvernance aussi collective. Et dans les termes plus pratiques, en fait, est-ce que dans les horaires d'occupation pratiques sont définis dans cette convention, ouais. Est-ce que ça c'est pour rediscuter parce que c'est aussi un problème que Jérôme Magnac doit venir tous les soirs fermer. Exactement, c'est un... ça aussi c'est... On se pose quand même face à un cadre qui se veut aussi très légal et dans ce cadre-là, on se questionne aussi sur est-ce que le travail artistique, il a une étendue horaire ? Est-ce qu'un travail artistique, il doit être contraint entre 8h et 18h chaque jour, 5 jours par semaine ? On sait entre personnes qui créons que non, en fait. La nuit est un endroit propice à la création. Voilà. Maintenant, ce qui est avancé, c'est que ce ne sera pas un lieu d'habitation, donc de sommeil, puisque, ouais, c'est un refus clair et net de la préfecture, ouais, sur ce point-là. Mais la nuit va être incluse dans la convention, en tout cas. D'accord. Donc ça, c'est Créala qui a été soumis. Pas encore. C'est en train d'être fini. On va faire une autre pause musicale. Voilà, donc bon, j'ai choisi que des morceaux qui... Ah, il y a du nouveau. Ah oui. Ça, c'est la rouverture telle que passée. D'autres lieux ont été ouverts. Très bien. Alors, ouais, donc je disais, moi j'ai un peu naïvement choisi des morceaux revendicatifs, mais voilà. Okay. Et c'est un peu que du punk. Alors, Capitalism Stole My Virginity. Voilà. Allez. Ouais. Pas vraiment punk. Nowhere sun touched by the shade we said. We could get by on our talent gates. There's some innocence. All I'm calling for the shot, Connie, and try to rebel. Little hole, that's the sign that says, baby, don't come back no more. This is my ugly. Pour info, International Noise Conspiracy. Voilà, un groupe suédois. Romantique. Bref. Alors, on a hors antenne décidé ou évoqué plusieurs sujets à réévoquer. Et non pas révoquer. Mais donc là, en premier lieu, je pense qu'on peut. Tu voulais, parler des... À révoquer ou à évoquer tout court. Tu voulais parler de l'histoire du bâtiment, du lieu. Oui, magasin, oui, de manière assez, assez rapide. On a expliqué un peu du coup ce qu'il y avait, ce qu'il était devenu ce bâtiment depuis qu'il est un centre d'art contemporain, mais centre national d'art contemporain. Mais ce bâtiment, il n'a pas toujours été un centre d'art national contemporain. C'était en fait Bouchaille-Vialet. Ce bâtiment-là appartenait à Bouchaille-Vialet, qui était une grosse usine de chaudronnerie. Ouais. Je crois que c'était un bâtiment qui se retrouvait à Paris ou qui confectionnait pour Monsieur Eiffel, que Bouchaille-Vialet a acheté et a fait ramener à Grenoble, ouais, et a construit cette grande hall de 3000 m² pour ses usines. Ce qu'on apprend dans le livre, le fameux livre « L'université désintégrée ». Exactement. N'est-ce pas ? Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Ouais, donc, et c'est lié, en fait, enfin, ce que je sais un peu, c'est que c'est lié à l'hydroélectricité, parce qu'ils fabriquaient des conduites forcées, des machines, même des turbines, je crois, en fait, à Bouchaille-Vialet. Et donc, ouais. Et oui, c'est un quartier, tout un espace, c'est pas juste le bâtiment lui-même, c'est tout un espace anciennement populaire, de la classe populaire grenobloise, depuis le 19e siècle. Ouais. Il y a aussi les usines Semois, qui étaient une ancienne chocolaterie. Tout ce quartier-là, il y a le Harémont, qui est juste à côté, dans le Courbéria. En fait, toute cette zone-là, c'était une ancienne friche industrielle populaire au Grenoblois, où les premiers arrivants s'installaient dans le quartier, dans des appartements ouvriers, et venaient travailler dans cet espace-là. Tout espace là, comme c'est moi, est devenu accueil d'une école d'art, des start-up. Le bâtiment de Bouchaille-Vialet est devenu un centre national d'art contemporain. Des bureaux aussi. Enfin, tout le quartier a été totalement transformé. Et ça a transformé en cluster culturel. Il y a Belle Électrique qui est juste à côté de centre d'art contemporain. Ouais. Et les autres espaces, on a construit exactement des petites brasseries cool. Oui, c'est pour les afterwork, des startups à côté. Voilà. Et juste à côté aussi, les seuls espaces qu'on a laissés, c'est aussi on a construit des bâtiments. C'est des bâtiments entre guillemets pour construire dans un éco-quartier avec des labels, labels verts, ont de nombreux soucis au niveau de la construction d'ailleurs. Ah oui, ouais, d'accord. Oui, donc c'est oui, tu veux dire que c'est pas qu'un bâtiment, c'est tout un quartier quoi. Enfin, ça touche, c'est un ensemble, ouais, bien sûr. Une transformation lente. Un ensemble ouvrier, populaire, historique grenoblois, qui est devenu un cluster culturel pour une certaine population qui n'est pas forcément, qui habite pas forcément les quartiers Saint-Bruno-Beria, et aussi avec des modes de consommation qui sont pas les mêmes que le reste des habitants du quartier. Mais est-ce que tu sous-entends que le projet aussi, c'est de rendre ce bâtiment aux gens, au final ? Le projet des Amis du Rouvre, bien sûr, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est aussi les habitants, les collectifs, les artistes, les militants de ce quartier-là et de la ville de Grenoble qui s'emparent de ce bâtiment-là pour l'ouvrir et vraiment l'ouvrir et pas l'ouvrir aux gens du quartier, aux personnes, aux artistes aussi qui ont envie, qui n'ont pas d'espace pour s'exprimer. On ouvre vraiment le bâtiment, il n'a jamais été ouvert. Là, il est vraiment ouvert. Et je recroise des personnes quand je me balade, j'étais hier présent sur l'esplanade, j'ai croisé des amis à moi qui sont aussi artistes, qui ont des lieux aussi dans le quartier et qui me disaient, moi, devant, avec ma fille, là, c'est vacances scolaires, je ne passais jamais devant. Là, je vois le bâtiment, il est peut-être fermé, mais devant, moi, ma fille, elle a jamais joué avec comme elle joue actuellement. Il y a des installations qui étaient faites, il y avait de la musique. Moi, ma fille, elle me dit tous les jours, ah, c'est quand on va devant le magasin. alors qu'avant, malgré que la porte soit fermée. Ouais, alors justement, on peut parler de ce qui se passe en fait en attendant l'issue des négociations. Il y a quand même des événements qui se produisent, une programmation artistique. Exactement, depuis hier et aujourd'hui. Social, depuis hier et aujourd'hui. Donc des lectures, des performances. Ouais, exactement. Il y a une installation visuelle. De Nicodème hier. Hier, ouais, une installation de Nicodème, un mobile. Un artiste visuel, un graffeur. Un graffeur repenti, local. Non, repenti, je sais pas. Non, je sais pas. Légaliste plus que repenti, ouais, peut-être. C'est un peu ce que je veux dire. Avec une installation comme ça qui est destinée aux enfants. Enfants et qui est assez récréative et qui a évolué comme ça tout au long de l'après-midi sur la place. Hier, on a eu une lecture performée du Dictionnaire des belles personnes par Kawa Sorix. Ouais. Big up. Et aujourd'hui, on a eu un très une beau lecture, moment, hein. Une lecture des mains négatives de Marguerite Duras, qui a été performée par 3 personnes avec des captations sonores et des radios qui retransmettaient la lecture et qui a permis de faire un événement Covid compatible. D'accord. Puisque en extérieur, les personnes étaient invitées à se regrouper autour des petites radios. À pas plus de 6, okay. Et à pouvoir suivre l'amplification de la lecture. Donc il y a un système de radio courte distance, là, de, ouais, avec un émetteur. Avec des petits émetteurs, très bien. C'est ça. Et l'idée c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas à l'intérieur qu'il ne se passera rien. Et c'est d'animer la place tous les jours. D'ailleurs on invite... personnes qui nous écoutent et qui sont par là. À se manifester À se manifester, ouais. Si elles et eux veulent enrichir la programmation. On les invite aussi dès demain avec un atelier d'écriture de rap et un open mic et également une performance auditive méditative. D'accord. Et comment on fait pour contacter par quel biais? Par quel biais? Alors il y a un site internet déjà, ouais. Pour suivre la programmation qui est superette.info. Ok. Et puis pour la programmation et pour les suggestions de programmation, ça peut passer par mail, le mail est trouvable sur le site. Et ça peut passer aussi en direct puisque il y a deux commissions qui s'organisent là. Donc la commission de programmation et la commission de convention qui sont présentes sur l'esplanade. Donc c'est possible de venir. C'est le meilleur moyen. Ouais, c'est le meilleur moyen, je pense, c'est de se rencontrer. Il y a aussi cette volonté-là. Hein. Ouais. C'est quand même qu'on puisse se rencontrer après... De quelle heure à quelle heure, là? Alors là, de quelle heure à quelle heure? Demain, de tête, ça démarre aux alentours de 14h. Et voilà. Il y a d'autres choses qui sont prévues pour les jours à venir, mais si vous venez, mais vous le saurez. Ouais, faut venir assez tôt, quoi. Faut venir, dans l'après-midi. Dans l'après-midi pour le lendemain ou pour le surlendemain, ouais, où c'est on ça. Discute, quoi. Super, c'est une bonne chose à savoir. Quels points n'ont pas été abordés sur ce sujet-là? Je crois que tu voulais revenir, peut-être, non, je sais pas. T'avais évoqué... on peut quand même décrire une situation qui est un petit peu compliquée, puisque... pour faire un parallèle avec les occupations qui existent déjà, donc il n'y a pas de directeur. Donc c'est... Non, mais je veux dire, sans ouais. C'est donc compliqué de... Oui, d'être autorisé par quelqu'un, par un directeur qu'on n'en a pas. C'était assez compliqué, d'ailleurs, de comprendre... même de la part de la police qui était déjà présente sur place, qui contactait quelle personne a la main sur ce bâtiment, quelle personne la police essayait de comprendre qui contactait. C'est compliqué pour eux. C'est un bâtiment, contrairement à la MC2, où il y a une direction, où il y a un directeur qu'on peut contacter, qu'on peut joindre. Un responsable, quoi. Voilà, une personne qui, en tout cas, a la responsabilité du bâtiment. Au magasin, c'est tout autre. C'est du coup une direction qui est complètement absente, qui n'existe pas. Une présidente du CA qui est hors Grenoble. Et C'est ça qui est... Et une personne trésorière qui est dans le bâtiment et ouais. qui se comporte comme si elle était le responsable des lieux. Ouais. Et ça, c'est un bon, je sais pas, c'est peut-être des discussions juridiques, mais ça, c'est un statut propre à ce lieu-là, aux autres centres d'art aussi, il me semble. Enfin, j'imagine que cette construction avec une association et un conseil d'administration, j'imagine que la MC2 c'est un statut totalement différent, par exemple, je sais pas, où les théâtres. Mmh. Bon, j'en sais rien. Bon, j'essaie de trouver des choses, on va peut-être passer un morceau et puis on revient tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu? Bon, voilà, j'en parlerai plus tard. Got the flex and skill, young men that want to kill. Read the scene, it's called iniquity's vanity. Banking can't get justified. How many more will have to suffer? How many more will have to die? We'll stop buying the lie. Both beautiful crime, brown eyes. Technological super state, built on the means of hate. Dominant simple corruption escalate. Can they distinguish life from death? Should a dollar bill give the man a right to kill? Hell no, because life is priceless. This fight for life is affirmative. We can put on force, of course, just to find the means of death with no remorse. Above the law, killed for God, for the country's a fraud. Gotta take him out by urgent of human rights. Got to take him out for the love of suffering. Gotta take him out, similar wickedness. Got to take him out. Whole dictatorship, economic elite, starving children, bow into that beach. Won't speak, figure to the song. Won't deny the lie, can't tell my son. Finish off being my senior, got you on sight. No law should cut constitutional right. No more hopeless and those that think to free. Found the minds of this human machinery. What I am is what I am. Crying a job, you know I'm praying for payback. All truth will soon come be in light. Watch and follow this spiritual job fight. Gotta take them out. Violation of human rights. Yeah, got to take them out. For the life of the suffering. Cause I do, cause I do. living, cause I'm fucking down. Fuck the blink riding, it's summer, I want to sign. Better sign a nation, when I trust the line. I'm school, I give you shit, drop you in a bit. Try and try and try, can I pick up and come back to me? Then you're from the trouble, and I must obey. This is not the trouble, that's all you ever. Good I owe, that's a living. Nothing but the truth, so help you God, I do. We did not, repeat, did not trade weapons or anything else for hostages. We did not, repeat, I don't think did not wrong. Trade weapons I or anything else a neat idea. For hostages. We did not, repeat, did not trade weapons we or anything else for hostages. We did not, in repeat, opposition to the did government. Not trade weapons or anything else for hostages. We did not, repeat, did not trade weapons or anything else for hostages. We did not, repeat, did not trade weapons or anything else. I can't believe you're not afraid. Abuse you, the women you love. Dirt, cheap, bad, you sell. Talk, talk, nothing said. Beaches, rap, don't be the thing. Every word from your mouth. Don't get action, get loud. Time now, and your luck. No more talk, we don't give a fuck about your alibis, about your lies, and all your excuses. Think we can handle it, think we came in, but why'd you try it? No more stalling, no more double talking, no more cover up. We just want the truth. You, the way we felt. Dirt, cheap, that you tell. Talk, talk, nothing said. Pieces, crap, don't be the thing. Every word from your mouth. No one cares what it's about. In the past, give us proof. No more talk, we just want the truth. What about the youth? Never told the truth. Never told what it's all about. It's all about the wealth. No one there to help. And everybody's looking out for themselves. Put our faith in you and our trust in you. Have you no conscience? We know your story. It's more than your glory. Can you step on? No more speeches. No time for violence. All in your alibis, all about your life and all your excuses. Think we can handle it, think we came in, think we can take it. No more stalling, no more stalling, no more stalling, we just want the truth. I can't believe you're not afraid. Qui veut la vérité? I can't believe you're not afraid. Qu'est-ce que la vérité? Ah, ça poque. Ça poque. Alors moi j'ai pensé à un truc, c'est de décrire un peu pour les gens qui habitent pas à Grenoble le lieu en fait, donc c'est enfin ce qui se passe, voilà. Ouais. Donc c'est enfin bon, t'as déjà dit que c'est une grosse halle pour les gens qui sont pas allés au magasin, donc un énorme bâtiment. Très gros avec des pierres, voilà. Et en fait, bon, ce sera rapide ma description, mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a une porte bleue métallique Et en fait, il y a tous les jours une combinaison de lettres à partir de la supérette qui sont affichées, enfin posées contre la porte métallique. Voilà, supérette, par exemple, donc peut-être tu restes. Voilà. Donc ça, c'est. Reste pute. Reste pute. Reste pute. Ouais. On peut encore utiliser celui-là. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Et en face, il y a un bar. La petite mousse qui fait partie du projet. C'était l'ancienne école du magasin, non, en face. Alors, je ne crois pas. Non, je ne sais pas s'il y avait vraiment un lieu. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. C'est deux halles un peu jumelles qui sont en face. Mais il me semble que c'était les stocks. Et surtout, il y avait la librairie du magasin sur la gauche de l'entrée qui, elle aussi, a été fermée. Et son employé évincé. Voilà. Bon, bref. Moi, j'ai vu des trucs sur Facebook, des réactions un peu bizarres de vieux artistes que je connais pas trop, qui étaient hyper énervés de cette occupation, qui disaient que ça allait foutre, que ça servait en gros le projet de Piolle. Voilà, que ça servait le projet de Piolle. Ouais, okay. Voilà, qu'il y avait quelque chose comme ça, que c'était plutôt quelqu'un qui était nostalgique, on va dire, du magasin période au petit halo, en fait, que ça allait devenir une gestion participative et que c'était incroyable. Piolle adore la participation. Oui, mais justement. Ah oui, que ça servait, que ça allait dans le bon sens. Que ça allait dans le sens de Piolle. Okay. Bon, bref, c'est quelqu'un qui fait les beaux-arts à Grenoble, qui est un peu plus vieux, voilà, bon, bref. Bon, voilà, il y a des voix discordantes. Bon, c'est Facebook aussi. Ouais, vas-y. On n'est pas tous parfaits. Hein. Voilà, ouais. Mais bon, là, chacun a le droit de donner son avis. Ou pas. Alors, on procède à une petite lecture. Lecture du manifeste. Petite lecture du manifeste que vous pouvez retrouver sur le site internet, ça me permet de le corriger. Ouais. Puisque c'est lasuperette.info. Ouais. Du coup, ça rouvre. C'était fermé à tout le monde et de toute façon. Pour des tas de raisons, ça ne fonctionnait pas très bien. Ça venait peut-être de l'intérieur, qui sait. Peu importe, ça n'œuvrait pas dans le bon sens pour les salariés qui y travaillaient, ni pour le public, ni pour le quartier, ni pour les artistes. Mais ça, c'est fini. Ça y est, ça rouvre. D'autres lieux ont ouvert avant et certains ont été expulsés ou sont sur le point de l'être. Le brise-glace, les 400 couverts, le dispel, Peldis, d'autres existent et fonctionnent joyeusement. Le 102, le train fantôme, le 38, Utopia. Ces endroits sont des lieux d'expérimentation pour l'art et aussi pour inventer des manières singulières de gestion commune. Ils avaient réussi à rendre vivant l'art pour Grenoble, avec en prime le rayonnement international qui fait plaisir à tout le monde. C'est triste. Ce qu'on y a fait, ne pourra sûrement bientôt ne plus se faire nulle part, par manque de place. C'est la seule chose qui manque, et c'est pour ça que ça rouvre. Ça rouvre. Pour un mois, en CDD. Un CDD choisi. Le magasin, sa rue, bien aéré, presque dehors. Ça se retrousse les manches pour habiter ce temps-là, pour exister en dehors des institutions artistiques, effrayantes parce qu'immobiles. Essayer de nouvelles choses, être un espace de création, être un ou une amie pour le milieu associatif, du quartier et surtout pour les gens. Parce qu'en ces temps bizarres, c'est de ça dont on a beaucoup besoin. C'est le bâtiment qui se donne le droit, pour une fois, de s'enraciner dans son quartier, d'être franchement grand ouvert, de faire son service public tout seul, de le faire de là où il est et avec son voisinage. Ça rouvre pour celles et ceux qui en ont envie de cet espace, pour qu'ils puissent y venir. Artistes, étudiantes, élus, passantes, collectionneurs, curieuses, habitantes du quartier et d'un peu plus loin. Venez, ça rouvre. Yes. Une question sur le chat direct. Ça en est où des négociations? Où en sont les négociations? Alors, les négos avec la ville, statu quo. Voilà. Statu quo. C'est Pat 70 qui pose la question. Statu quo. On va dire, les négociations, elles sont en cours. Donc, la dernière fois qu'on a discuté avec les représentants de la ville, c'était lundi. Oui, lundi, hier, avant-hier. Ce qui se passe, c'est que la ville pose un cadre légal, ça s'entend bien sûr, et que de ce cadre légal, ils ne bougeront pas. Dans ce cadre légal, il sera possible de faire plein de choses, selon eux. Voilà. Mais ce cadre, du coup, il est à définir et à écrire par le collectif. Donc on est actuellement en cours d'écriture de cette convention de résidence. Je l'ai dit tout à l'heure, je peux le redire, la CREALA, la convention de résidence, d'expérimentation, d'autogestion d'un lieu artistique. Autant dire que ça n'a jamais été vraiment expérimenté de cette manière-là et que du coup ça demande des efforts d'écriture et de réflexion. Sachant que c'est aussi, écrire des contrats, c'est pas vraiment l'habitude des personnes qui font partie du collectif. Donc ça prend du temps. On espère que d'ici demain, on pourra donner un peu plus d'informations sur cette fameuse convention. Et les personnes du collectif n'ont pas l'habitude de négocier, non plus. Enfin, non. C'est pas. Négociations politiques, tu veux dire. Oui, voilà, ouais. Ils sont pas rodés à ça comme d'autres organisations. En tout cas, c'est pas leur travail habituel, c'est pas ce qu'ils font quotidiennement. Ouais. Et surtout pas avec ce genre de structure. En tout cas, c'est quelque chose d'assez inédit pour toutes les personnes du collectif de se retrouver. Il y a un truc un peu asymétrique, quoi, quand même. Enfin, malgré tout, je trouve. La négociation, enfin. Oui, bien sûr. Dans la négociation, on a affaire à des techniciens, des gens qui maîtrisent le sujet. Et nous, on doit essayer d'apprendre, essayer de comprendre, de s'informer assez rapidement pour pouvoir rentrer dans leur moule et essayer d'intervenir. Ça demande beaucoup de travail et un travail qu'on est prêt à faire pour pouvoir avoir ce bâtiment. Yes. Bon, on a plusieurs commentaires dans le chat sur pour mettre en relation avec des lieux donc à Toulouse ou à la Générale. Voilà. Il y a des ponts à se faire, oui, complètement. Il y a des ponts qui ont commencé à être faits d'ailleurs avec l'autre occupation à Grenoble. On s'est rendu à la GD Lutte, ils organisent une fois par semaine le mercredi. On s'est présenté. On a commencé à évacuer vaguement des ponts qui vont se faire. Je sais qu'à la MC2, la culture, à la Maison de la Culture, l'occupation essentielle, ils s'appellent comme ça. Ils organisent tous les vendredis et les vendredis de la colère des manifestations. Ouais. Pourquoi pas des manifestations qui partiraient de la Maison de la Culture et qui finiraient devant l'ex-magasin des Horizons. Comme la Vélorussion de samedi, d'ailleurs. Bien sûr, il y a des points à penser. Nous, on n'est pas juste sur une occupation fermée la condition des artistes et sur les gens du quartier. C'est aussi, au-delà de ça, il y a aussi une dimension politique qui est beaucoup plus importante, qui est en réponse aussi à un contexte sanitaire, social, économique assez dur, assez conséquent, auquel on a une manière d'y répondre, c'est par une occupation, c'est d'inviter le maximum de personnes et de se lier aussi à d'autres luttes qui se font dans l'agglomération grenobloise. Et s'il y a aussi des manifestations qui vont s'organiser dans la ville, vendredi il y a une manifestation qui part de l'hôpital public au CHU de Grenoble. Ouais. Voilà, il y a des choses qui se font et à terme on arrivera, je pense, assez facilement à se lier à ce qui se fait ailleurs. À Grenoble et ailleurs aussi, quoi, même si. À l'international peut-être. Même si, à l'international, oui, on a une suggestion aussi. Au Québec, il y a des espaces d'art qui sont totalement autogérés par des collectifs aux formes assez multiples. C'est possible, en fait. C'est possible, c'est juste que là, en dialogue avec la mairie, ces personnes qui ont un apport technique très fort, en fait, ils connaissent pas du tout ce genre de cadre-là. Donc, il est à inventer, il est à enrichir avec d'autres initiatives, peu importe où elles se passent, mais... Là, je vois que sur le chat, on nous propose de nous envoyer des papiers enfin de retrouver des papiers. De la générale, oui, c'est un lieu à Paris, mais bon, c'est pas pareil parce que ça n'a jamais été un centre national d'art contemporain. Donc c'est ça pas l'a les mêmes pas enjeux. Été, ouais. Nous, on a pas un enjeu. Je ne sais pas exactement quel était le statut de l'endroit. Mais bon, en tout cas, bon. C'est ce qu'on réclame. Nous, on réclame vouloir expérimenter ces modes-là pendant un mois. Ouais. Pardon. Oui, c'est un commentaire. Découvert du fil à couper le beurre. Pas de 44. Merci. Ouais. Ok. Qu'est-ce que... Ouais, à courte durée, parce que c'est aussi un temps d'expérimentation qu'a voulu être défini dès le départ. On trouvait un intérêt à réclamer ce mois-là. On trouve aussi un intérêt à formuler toutes ces exigences dans la forme de... C'est pas, on n'a pas une portée de résultat sur cette expérimentation-là. On ne produira pas des résultats pour que la ville, le département ou l'État puissent repenser les modes de gouvernance des centres d'art. Non, on veut tester des choses. Tester des choses sans avoir d'obligation de résultat. Ça veut dire que même si, après ce mois-là, si le magasin fonctionnait comme avant, ce serait pas... c'est quelque chose de séparé, quoi, en fait, finalement. C'est quelque chose de séparé, et puis c'est une visée quand même assez réaliste. Ouais. Oui, d'accord. Ouais. On imagine bien que ça va pas renverser tout le, tout le système des institutions. Non, non, bien sûr, mais bon, bref, ça aurait pu avoir un impact local ou je ne sais pas. Enfin bon, bref, non, non, mais je comprends. Très bien. Ok. Ouais. Après, un CDD de un mois, ça peut être renouvelable. Ouais. Si l'expérience est bonne. Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. C'est vrai. Mais pas au bout de trois fois. Au bout de trois fois, c'est un CDI. Bah, ça dépend. Des fois, dans le monde de l'entreprise, maintenant. Mm. Faire des CDD toutes les semaines, renouveler, juste en changeant l'intitulé. Le monde d'aujourd'hui est assez effrayant. Des CDI projet, là, je crois, maintenant, c'est ça. Ouais. Bref. On a des bons amis qui arrivent à inventer des trucs pour toujours des nouveaux trucs. Yes, on va, à moins que vous ayez d'autres choses à dire, on peut mettre un autre morceau, voilà, qui s'appelle Rather Be Dead. Bon, je vous le conseille pas. Ok. C'est Rather Be Dead Than Alive By Your Oppression. C'est un peu radical. Allez, allez. We'll be right back. Yes. Alors, moi j'avais une question pratique, mais bon, peut-être vous savez pas, parce que vu que les musées quand même sont fermés, comment pratiquement c'est possible de faire en sorte qu'il y ait des choses qui se passent, enfin, par exemple dans les autres endroits occupés, tout est réglementé, c'est ça, c'est des jauges de gens qui peuvent aller dans un lieu ou ouais. Ce genre de choses. Il y a des jauges, l'accueil du public en ce moment, il n'est pas vraiment autorisé. Ouais, c'est l'accueil du public professionnel qui est autorisé. D'accord. Ok. Donc ça, c'est un interstice qui peut être creusé et qu'on travaille en ce moment sur la convention. À savoir qu'aujourd'hui, selon une fuite du Canard enchaîné, les lieux culturels, c'est-à-dire musées, théâtres et cinémas compris, réouvriraient aux alentours du 17 mai. Enfin, c'est la date du 17 mai qui est sortie un peu du chapeau. Et on parle d'ouverture à 35% des jauges, puis à 65% des jauges trois semaines après. C'est... Les musées en premier, c'est ça, non ? Les musées et ensuite musées, les théâtres. Ouais. D'accord. C'est clair que ça va modifier la donne aussi. Ouais, bien sûr. Cette occupation-là, elle se voulait aussi tourner vers l'extérieur. Donc, dans le cadre actuel, c'est vraiment empêchant ce confinement et les normes sanitaires. Ouais. Mais c'est aussi ce qui a... Enfin, pas permis ça, mais poussé à faire ça aussi, enfin. Ouais, poussé à faire ça, ouais. À retrouver aussi, à rouvrir, c'est clair. Il y a aussi autre chose qui est à savoir, c'est que la rue du magasin est considérée comme une recouverte, donc un espace public. D'accord. Ok. C'est une information qui est publique, pour le coup. Pesant de cacahuètes. Mais voilà, malgré ces deux grosses portes, c'est une rue ouverte. Ouais. Et le fait qu'elle ne soit pas traversante. Ouais, d'accord. Mais aussi, ça pourrait poser d'autres problèmes, parce que du coup, si on est dans cette rue, on est dehors. On n'est pas dehors, c'est pas un espace extérieur. C'est un espace public. D'accord. Mais le mot extérieur, il n'apparaît pas là-dedans. C'est une rue un peu... On s'est posé la question, peut-être titre que les passages. Ouais, ouais. Les passages entre mais ça ne constitue rues. Pas un foyer, c'est-à-dire, enfin, je pense au couvre-feu, par exemple. Mais bon, bref. C'est... Ouais. On peut pas. Si on rentre au magasin, on rentre pas dans un endroit fermé, quoi. Non, on rentre pas dans un endroit toujours, fermé. On est toujours. Ouais. Bon, bref. Enfin, voilà, c'est tout un langage aussi qu'il faut s'approprier. Mmh. Le langage juridique, administratif, qu'il faut un peu connaître et pour pouvoir mieux écrire, en fait, cette convention. Et ouais, se blinder. Ouais. Ouais, tu voulais revenir sur quelque chose de... Enfin, une expérience sensible de cet événement-là, plus que une bataille juridique. Et j'ai l'impression qu'on a pas mal contextualisé, qu'on est arrivé sur des points techniques... qui sont certes nécessaires et indispensables pour comprendre la situation actuelle du Centre National d'Art Contemporain, qui est maintenant la supérette. Mais j'avais envie de faire un retour un peu plus sensible, que les gens se sentent, essayent de comprendre un peu notre situation, d'essayer de comprendre ce qu'on vit, enfin en tout cas ce que moi je vis et ce que je partage avec les amis du Rouvre, chaque jour qu'on passe à investir cet espace. Ouais. Et devant l'espace, du coup. Cet espace, cet ensemble, c'est-à-dire l'esplanade. D'accord. Cet espace urbain. Enfin, Oui, d'accord. Tout cet agencement qui est mort et qui est vide de manière quotidienne et que tout d'un coup devient quelque chose d'assez vivant, réapproprié. Par des personnes qui se sentaient totalement chassées de cet espace-là de par ce qu'on y propose. Ouais. Et qu'ils n'y étaient jamais allés, quoi. Oui. J'y étais allé quand j'étais, pour la petite histoire, j'étais allé quand j'étais tout petit à l'école primaire, on avait fait une exposition là-bas et j'étais jamais revenu. Ah. Et maintenant on est revenu avec des amis, je sais pas, une quinzaine d'années plus tard et pour rouvrir ce bâtiment-là. Et entre-temps, entre le moment où je suis allé forcer un peu par l'école primaire de me rendre là-bas, et aujourd'hui, habitant le quartier, j'ai jamais eu, à part une fois pour une projection, j'ai jamais eu, jamais senti d'y aller pour une exposition. Pourtant, j'habite juste à côté. Mais voilà, dans mon expérience de ce qui s'y passe, il y a quelque chose d'assez beau et que je partage avec les amis du Rouvre, de pouvoir réinvestir un lieu auquel on se sentait totalement dépossédé, un espace aussi, réinvestir une place auquel on était totalement dépossédé, de voir qu'on prend cette place-là, on la demande pas, on demande rien à personne, on la prend et on y fait ce qu'on sait faire. Il y a pas mal d'amis et de gens qui sont dans cette lutte-là, qui produisent des choses et qui produisent ce qu'ils savent faire, et c'est assez vaste, assez différent, assez pluriel, et on arrive à monter une programmation qui est et qui est assez, assez belle et assez, assez diversifiée. Et on sent que les gens qui viennent nous rencontrer devant le magasin sont réceptifs, se sentent à l'aise et ont envie de revenir et de participer avec nous à cette expérience-là. On fait l'expérience autogestionnaire d'un espace avec des personnes qui sont investies dans différents collectifs, qui ont des professions différentes, qui ont des manières de se rapporter au monde différent, et on le fait ensemble, on porte cette expérience-là, et pour l'instant, il y a quelque chose d'assez beau, d'assez facile qui se fait, il y a des rencontres qui se créent, il y a des enfants qui jouent, il y a des personnes qui discutent, qui ne se voyaient jamais, il y a des gens qui créent ensemble, c'est tout un espace qui vient d'être qui c'est tout un sorte d'embryon, un endroit dévitalisé qui se revitalise, quoi. Oui, voilà, fait. Un embryon qui apparaît et qui va continuer à évoluer, et je l'espère un peu plus que quelques jours, quelques semaines et que quelques mois, et ça, faudra pas le perdre. Je vois des enfants sourire, ça va proposer de la nourriture sur place, il y a des choses visuelles, il y a des choses sonores, il y a déjà des choses qui se passent, quoi. Il y a quelque chose d'assez beau entre nous, déjà entre les amis du Rouvre et aussi avec les gens qui se rendent sur place, qui doit se perpétuer. Pour l'instant, c'est quelque chose pour moi qui est assez inédit et que j'aime partager avec les gens avec qui je fais ça et avec les gens qui se rendent sur cette place. Qu'est-ce qui empêcherait que ça continue, en fait, ce qui se fait déjà? Je pense que les liens qui se sont tissés là assez récemment, ceux-là, on commence à avoir la certitude qu'ils ne risquent pas de se défaire tout de suite. Ce qui pourrait empêcher que ça continue, ce serait une intervention policière sur place. Ouais. Ce serait un empêchement de la part de ces forces-là. Malgré tout ce qu'on vit, on peut aujourd'hui quand même se retrouver sur l'espace public. On est attentif à ce que ça se passe bien aussi à ce niveau-là. Ouais. J'ai l'impression qu'à part des torrents de pluie, pendant un petit moment. Qui aurait dû arriver aujourd'hui, mais qui ne s'était pas passé. On avait d'ailleurs prévu une performance spécialement pour la pluie. Ah. S'il pleut. Mais vu qu'il n'a pas plu... Elle n'a pas eu lieu. Ah. Souvent, c'est l'inverse. Mais je voilà. peux vous dire un peu ce qui va se passer dans ces prochains jours. On a parlé de demain, donc je le rappelle, atelier écriture et open mic, atelier rap, et un moment de méditation sonore. Vendredi, à 15h, il y aura la galerie Cesseille. Donc, qui est Alors, j'aurais peur de mal le résumer, alors je vais juste vous inviter à venir. La galerie Cesseille, à venir voir. C'est autour de la médiation des œuvres d'art. D'accord. Donc, je vous invite à voir ça a l'air assez chouette et enthousiasmant. Se tiendra aussi un atelier un échange, une discussion. D'accord. Ça risque d'être un peu performatif aussi. Sur la médiation. La médiation, oui. Sans œuvres. Avec des œuvres, il me semble. Oui, avec des œuvres qui seront présentes. Des œuvres ou des idées d'ailleurs, ou des questions. Des questions sur médiation. Des ouais. À 16h, il y aura un atelier de cyanotype. Ça, je peux en dire un peu plus parce que je connais ce procédé. Le cyanotype, c'est un des premiers procédés photographiques qui permet de réaliser des tirages bleus, cyan, très forts. Et avec ce procédé-là, on essaiera de faire une sorte d'imaginaire de la place, d'imaginaire de l'esplanade avec ce qu'elle a pu être avant, ce qu'elle est aujourd'hui. On ira glaner des choses ensemble pour les imprimer sur des papiers ou du tissu à l'aide du soleil. D'accord, super. Samedi, il y aura de la sérigraphie. Samedi, on vous invite à ramener vos vêtements, vos tissus, drapeaux, bref, tout ce que vous souhaitez imprimer. Sur l'esplanade de la sérigraphie. Il y aura de la sérigraphie sur de l'esplanade, exactement. Incroyable. Voilà, donc ramenez vos vêtements. On aura aussi un concert, performance sonore de Claude Ultraviolet. Et je crois qu'il y a plein de synthétiseurs dans Claude Ultraviolet. On aura également un atelier d'écriture pour la direction du cancer. Voilà, j'en dis pas plus. Ça a l'air aussi assez amusant. Et ça, c'est samedi après-midi. Ouais, ça s'inscrira, je pense, dans la ligne assez ubuesque de la situation. Ouais. Et samedi, il y aura aussi des frites. Ok. Voilà. Plutôt à partir de 13h. Frites partout, frites pour tous. Et le dimanche, le dimanche, on avait prévu de rien faire. Et puis en fait, il y a plein de gens qui sont très. Qui ont envie de faire des trucs le dimanche. Donc il y aura un bal tango le dimanche et il y aura aussi un atelier de création d'une porte pour la supérette. Une porte qu'on pourra sûrement rouvrir. Et voilà. Est-ce qu'on peut postuler pour des choses le matin ? Oui, on est complètement. Pour l'instant, ça s'articule plus autour de l'après-midi, mais d'accord. Ça peut être aussi le matin. Ok, même le dimanche matin ? Même le dimanche matin. Très bien, super, c'est très enthousiasmant, j'espère que... Donc ça c'est sous réserve, que la situation reste comme elle est maintenant, on est d'accord. Ouais. Voilà. C'est, tout ça va se passer en parallèle de l'écriture de cette convention et des négociations. Et d'ailleurs, il y a lundi, il y a un dispositif qui a été créé assez rapidement, pour lever le voile sur ces négociations et que les négociations puissent se passer en public. Si les négociations se poursuivent, c'est possible qu'elles soient aussi à nouveau en public et vous pourrez venir y assister. D'accord. Ok. Très bien. Ouais. Et oui, pour ajouter un dernier mot, moi je voulais dire à toutes les personnes qui écoutent, qu'elles soient à Grenoble, qu'elles soient en dehors de Grenoble, dans d'autres villes, même dans d'autres pays, n'hésitez pas à consulter notre page Facebook, à notre site internet, notre Instagram, d'en parler autour de vous, de se rendre sur place. Même me dire qu'on n'a pas de page Facebook, mais ça va venir assez rapidement quand même. Ok. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, de vous rendre sur place. La superette.info, c'est quand même ça le. Et si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, partagez ce qu'on partage sur nos différents réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a le Wi-Fi sur l'esplanade ? Oui. Non ? Oui ? On arrive à capter le Wi-Fi de un débit qui n'est pas non plus important, mais qui nous permet de travailler en tout cas, de maintenir notre espace de travail devant le Wi-Fi du magasin. Et oui. Voilà. Très bien. Bon, je pense que c'est un... Oui, si vous avez rien à ajouter, on peut finir avec quelques morceaux. Merci d'être passé. C'est chouette. Merci à Pinode d'avoir, comme toujours, de m'avoir permis de faire cette émission. Merci Pinode. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Ce sera sûrement archivé, cette émission. Peut-être, on verra. Et merci d'être passé, d'avoir parlé de cette situation particulière. J'espère que tout va se dérouler comme bon vous l'entendez, voilà. Bon vous semble, ouais. Comme vous l'entendez. Comme on a envie que ça se passe. Voilà, et comme je l'entends aussi parce que je fais partie de cette course. Voilà. Ça. Je vais passer encore quelques. Ah mais non, on a dit qu'on finissait sur des morceaux de Rai, Sheikha Remiti. Oui, le Rai, on est en période du Ramadan. Voilà. Mais là, tu as le droit d'écouter. Oh, bon, bref. Alors, on y va, Sheikha Remiti. Et merci à tous. Et bon Ramadan, ceux qui font le Ramadan. فرحوا بالعمال وخصلة الرجال فرحوا بالعمال وخصلة الرجال صبحوا معاهم الحال ولاد العربية ياي ياي ياي ياي ياي لا مير دو غاي شيخ الريميتي والخصاصبة عبد الملك ود العبادي والشيخ المحبوب المغناوي خاطر الشيخ الاخضر الوجدي يحيى الهند القديم Down.